prépare les explosifs. On sort personne. On fait juste tomber des murs. On fait juste tomber des murs. Prépare les explosifs. On sort personne. On fait juste tomber des murs. On fait juste tomber des murs. Je les ai vus farmer à six. Je les ai scannés, je les ai lus. Base cubique, routine logique. J'ai compté les coffres, j'ai noté les flux. Pas de pitié, pas de doute. On vient pas pour la dispute. On vient raser, brûler, tout looter et laisser des murs en chute. On va leur refaire le visage à coups de roquettes dans leur garage. Quand Riders qu'ils passent, y'a pas de mirage. Juste la base qui fond sous le carnage. Tu planques, mauvaise idée. La tourelle, on l'a baïté. Ton dernier mot, oh merde. T'as pas eu le temps de finir ton plan B. Trop tard pour dormir. Trop tard pour fuir. Trop tard pour supplier. Trop tard pour supplier. On va leur refaire le visage. Taguer leur mur comme un message. Ici c'est RIS pas un village. C'est la guerre, c'est mon avantage. On va leur refaire le visage. Taguer leur mur comme un message. Ici c'est RIS pas un village. C'est la guerre, c'est mon avantage. T'avais build. Maintenant c'est mon coffre. T'avais build. Maintenant c'est mon coffre. On va leur refaire le visage. On va leur refaire le visage. On va leur refaire le visage. On va leur refaire le visage. On va leur refaire le visage. On va leur refaire le visage. On va leur refaire le visage. Taguer leur mur comme un message. On va leur refaire le visage. C'est la guerre, c'est mon avantage. On va leur refaire le visage. Taguer leur mur comme un message. On va leur refaire le visage. C'est la guerre, c'est mon avantage.